Il livre est écrit dans la franchise des mots. Fait qu'automatiquement, ça va devenir un livre maudit. Regardez dans les révélations, dans les prophéties, il en parle. Sans ça, là, je me ferais ceci. Là, je me ferais descendre. J'ai pas les temps, je vais faire descendre, John. Je me dis, c'est un petit peu plus centré que ça. Lorsque l'homme est rendu à un stade où il peut se servir de son âme

Thank you.

veux pas y répondre. Quand je veux pas y répondre, là, ça, c'est le même phénomène. C'est que la curiosité qui vient de l'ego. Mais ils sont obligés de temps en temps y répondre pour l'amener encore à se sensibiliser à la vibration. Mais c'est aussi efficace qu'ils répondent qu'ils répondent. C'est aussi efficace qu'ils répondent qu'ils répondent. C'est aussi efficace qu'ils répondent qu'ils répondent pas. Autant. Autant. Yeah. Parce que toi, en premier, tu vas au pire, tu sais, puis c'est là que tu commences à discerner ta curiosité, ta petite curiosité. Puis l'autre, la vraie. Quoi? Mais tu peux poser des questions, puis il va te répondre même 2 jours après. Quoi? Tu vas pas te demander 2 jours après. Hein? Tu as posé une question, tu ne réponds pas. Tu laisses tomber, tu ne penses pas, whoop, il va te répondre. Ouais. C'est la question, tu as demandé 2-3 jours. Ouais. Mais ils te répondent 2 jours après, c'est pas des goûts principaux. Ils sont anti-égaux. Ils sont anti-égaux. Ça va arriver des fois qu'ils vont faire passer après que tu fais ça de la connaissance, mais tu sais, dis quelque chose, tu ne vas même pas demander si tu te dis au matin. Ouais. Tu vas aller coucher une cassette. Ah, mais là, c'est parce que tu as des goûts principaux. C'est ça, tu n'as même pas besoin de le demander. Ouais. Mais si c'est pas parce que l'ego te répond pas, par exemple. Il t'amène à. Il va. La curiosité de l'ego, ils ont des variétés, ça va être ça. Non, ils te répondent pas. Ça fait qu'ils te répondent pas. Puis... Non. Si c'est seulement pris, ça vient pas des autres. Si c'est seulement pris, il y a une interférence quelque part, là. Non, c'est les autres, ils vont te donner une réponse, ils vont dire que c'est pas important. C'est subtil, notre relation avec les autres. C'est bien subtil. La relation d'esprit à esprit, c'est bien subtil. Bien subtil. C'est au fur et à mesure qu'on avance ensemble là, que je développe des points. C'est bien subtil. Parce qu'il y a des infiltrations. C'est ça qu'il faut avoir. Comme des fois, moi, ils ne me permettront pas de dire quelque chose parce qu'ils disent si tu le dis, ça va être capté ces autres plans. Ils ne veulent pas que ce soit capté ces autres plans. Fait que là, je peux pas le dire. Une chose que je voulais parler tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle l'esprit du père. Quoi? L'esprit du père. Il dit que l'esprit du père, c'est une vibration qui vient de l'énergie de la lumière, mais qui forme dans l'esprit de l'homme une tension. Cette tension-là, ça devient une force. Puis cette force-là peut devenir un pouvoir, puis cette force-là vient de la volonté. L'esprit du Père, c'est la volonté. Puis il dit que plus qu'on se conscientise, plus on apprend à vivre de cette énergie-là, de cette vibration-là, de cette tension-là. Puis il dit que quand il faut qu'elle soit exécutée, cette tension-là, cette vibration-là, il ne faut pas que l'ego ait peur de l'exécuter. OK? Pourquoi on a peur de l'exécuter? Parce que si on a peur de l'exécuter, à ce moment-là, on se soustrait de la pénétration de cette énergie-là. Et en se soustrayant de la pénétration de cette énergie-là, on diminue notre pouvoir de volonté. Puis notre pouvoir de volonté, c'est la mesure de notre esprit à exécuter sur le plan matériel des activités ou des choses qui nous amènent à être de plus en plus indépendants de la matière. Puis il dit que c'est dans les petites choses de la vie qu'on apprend ça, à exécuter cette énergie-là. Exemple. Un père, une mère, un enfant, l'enfant est tannant, il est bien fatigué, papa. Quand il vient de la vibration, il vient une vibration, puis quand on la sent, cette vibration-là, c'est comme si on est ses nerfs, quelque chose. Là. L'enfant il était un petit peu trop croche. Il était un petit peu trop tannant. On sent en lui trop d'ego.

J'ai dit, bon, là, il se couche sur ma cuisse, puis là, il écoute, là, il me dit, bon, mais au moins, il me dit l'affaire. Puis il y a des fois, puis il me dit, bon, il me dit rien, il me dit rien. Il veut pas m'aider, puis il sait pas. Puis on joue à ça, puis on fait comme ça. Mais ça, faire ça avec un enfant, c'est dangereux, puis qu'il y a trop d'énergie qui rentre dedans. Non. Non, parce que. Éventuellement, quand l'enfant va en avoir clou, va en avoir plein son casque, il va arrêter lui-même. Il va dire, ah, laisse-moi l'enfer. C'est pour lui, ça a grand avantage d'être un jeu. Ouais. Il dit que tu peux pas, quand t'es conscient, tu peux pas détruire. C'est quand t'es inconscient et que tu travailles avec les affaires-là que tu peux détruire. Il dit, il n'y a pas de problème avec les forces. Vous travaillez avec les forces, vous voulez, mais soyez conscient. Hein. Si vous traitez des forces, vous n'êtes pas conscient, c'est là que vous pouvez détruire parce que votre ego va se mettre dans le jeu, puis votre ego va toujours vouloir soutirer quelque chose de ça. Il dit aussitôt qu'il y a de l'ego, il y a du danger. Si il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de danger. Ça permet de garder le canal ouvert. Les enfants, ils ont cette affaire. Mais le principe de la volonté, c'est un principe extrêmement puissant. Qui on vit ce principe-là, qui on devient conscient, parce que ce qui arrive, c'est que le principe grandit avec la sensibilité. Puis on devient sensible, puis on sent. Puis on sent, puis on sent. Puis il y a un point, tu dis que tu sens. Fait que là, l'énergie, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend. Moi, quand ils me disent que ta petite, elle va en avoir une en deux semaines, qu'elle en dit en deux semaines, elle a des situations qui se peuvent vivre. Paf. Il faut toujours balancer avec nos enfants. Faut que les enfants sachent toujours qu'on n'est pas fâché. Oui. Faut qu'ils sachent qu'on n'est pas fâché, qu'on leur explique quelque chose. C'est incroyable. Parce que l'énergie. Les niaiseries, là, j'appelle une niaiserie de bébé, là, je vais essayer de couper, mais par contre,